Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Bonjour Lucille. Bonjour Prudence, j'espère que tu es en forme. Oui, ça va pas trop mal et toi? Ça va super. Aujourd'hui sera le premier épisode d'une série sur le rôle essentiel que joue le droit dans la reconnaissance et la protection de l'identité de chacun. Dans ces chroniques, nous allons explorer les récents changements juridiques concernant le statut des personnes transgenres, afin de mieux comprendre comment le législateur tente de s'adapter aux réalités de genre et aux parcours de vie individuels. Est-ce qu'on doit plutôt parler des personnes transgenres ou de transidentité ? Alors, il est en effet important de bien redéfinir les termes, d'autant plus que ces définitions sont utiles pour comprendre la philosophie de certaines lois. La transidentité englobe toutes les personnes qui vivent socialement dans une identité sexuée qui ne correspond pas à leur sexe de naissance. Une personne transgenre est une notion encore récente qui apparaît notamment dans une recommandation rendue par le Défenseur des droits en juin 2020 qui demande l'abandon du terme « transsexualité » dans le respect du droit à la vie privée et intime lors de leur parcours vers la transition de genre. On distingue deux choses dans les questions de genre, la réalité biologique et la réalité sociale. D'autant plus que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016 portant sur la modification à l'état civil de la mention du sexe, celle-ci n'impose plus d'intervention médicale irréversible. Ça implique donc que la réalité biologique du sexe d'une personne n'est plus un critère pour le législateur ? Et exactement. Et cela a été consacré à l'article 61-5 du Code civil. Cette procédure simplifie la démarche d'une part, mais surtout, cette démédicalisation redonne à chacun la liberté de disposer de son corps. Cette nouvelle rédaction de l'article 61-5 du Code civil marque un nouveau tournant majeur dans la considération de la transition d'une personne dans la société et dans le droit. Une évolution qui a été lente et fastidieuse. La grande difficulté, c'est que le droit est binaire et souvent en retard face aux évolutions sociétales. On parlait d'ailleurs auparavant de troubles identitaires qui étaient, aux yeux des juges, une maladie psychiatrique. Cela étant posé, face à l'émancipation tant attendue des questions de genre en droit français, les magistrats comme la doctrine se sont rapidement retrouvés face à un vide juridique historique, notamment en 2018. Le droit fait prévaloir la biologie sur la volonté de l'individu en droit de la filiation, cela au nom du principe d'indisponibilité de la personne. Ce qui signifie que bien que la modification de l'état civil ne requiert plus que la mention du sexe à l'état civil et le sexe biologique soient identiques, l'établissement biologique de la filiation, lui, s'en réfère uniquement à la réalité biologique du sexe de la personne. C'est donc le 14 novembre 2018 que la Cour d'appel de Montpellier est interrogée sur la demande de reconnaissance maternelle d'une femme transgenre ayant conservé ses attributs génitaux masculins sur l'acte de naissance du nouveau-né, le père biologique étant une mère juridique. Quelle solution a été apportée à ce justiciable ? Eh bien, oscillant entre débats politiques et normatifs, les droits fondamentaux vont ici jouer un rôle essentiel dans l'appréciation des droits de la filiation envers les personnes transgenres. La jurisprudence a débattu pendant plusieurs années avant d'apporter sa réponse et je vous propose qu'on étudie ensemble l'influence du nouveau statut des personnes transgenres sur le droit de la filiation dans la chronique de la semaine prochaine. Super, à dans une semaine pour la suite alors. À bientôt Lucille. À bientôt. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.